أن أعظم الشروط ما هو يا بلال؟ إقامة الحجة. نعم، إقامة الحجة le fait d'établir la preuve sur celui qui commet le péché est une obligation, est une condition avant de dire de lui que cette personne est sortie de l'islam ou que cette personne est innovatrice ou que cette personne est perverte. لأن الأحكام يعني كلها مترادفة. هذه الضوابط تطبق في جميع هذه الأبواب، في باب التكفير وباب التبديع وباب التفسير. نعم. طيب. بقي مسألة، بما تقوم الحجة يا أبا عبد الله؟ بما تقوم؟ avec quoi on fait, avec quoi on établit une preuve, avec quoi on établit la preuve sur la personne qui commet un péché. بماذا؟ بالأدلة. من أين؟ هل قول الشيخ العثيمين دليل أو قول يعني عمر وأبو بكر ليس بدليل؟ فهموا هذا، الدليل هو ما جاء عن الله في كتابه أو على لسان رسوله أو بالإجماع. الإجماع le fait qu'il y ait l'unanimité. Et quand on dit l'ijma, al-mundabit, l'ijma qui est considéré, l'unanimité des savants, qui est considéré comme le degré du dalil, qui a atteint le degré du dalil, c'est l'unanimité des savants parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Si vous entendez un imam parmi les imams des Qurun al-Mufaddala, qui dit هذه المسألة أجمع فيه الصحابة أو نحو هذا، فهذا الإجماع منضبط. Ça c'est un إجماع dans lequel on sait vraiment que là c'est un consensus. C'est-à-dire c'est l'unanimité des savants. C'est-à-dire l'unanimité des compagnons. طيب. Pourquoi on dit que cette unanimité-là, on la prend comme dalil? Et si ça aurait été l'ijma' des savants après l'époque des compagnons, pourquoi les savants disent que ce n'est pas au même niveau que le dalil? Parce qu'en fait, tellement il y a eu de. Tellement la communauté s'est propagée et s'est agrandie, on ne peut pas savoir si vraiment tous les savants de cette époque, ils étaient du même avis. Tandis qu'au temps des compagnons, les compagnons, ils étaient encore. On pouvait les compter sur le bout des doigts. Donc on savait vraiment que leur avis était ferme sur tel et tel point. Donc, l'ijma' hatta l'ijma' al-mundabit huwa ijma' al-sahaba, comme a dhakarahu Cheikh l'Islam fi aqidati al-wasitiyya, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-aqidati al-wasitiyya. En fait, quand on dit l'unanimité, c'est-à-dire tous les sahaba, ils sont de cet avis. Mathalan, un sujoud li ghayrillah, le fait de se prosterner pour autre qu'Allah. C'est-à-dire, yani anna sahaba kulluhum ajma'u ala anna hadha shirk. Tu vas trouver que tous les compagnons, ils sont tous unanimes pour dire que ceci c'est du shirk. Na'am. Fa idha wajadta hadha, yani yaqum maqam ad-dalil. Na'am. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, ils disent cette mas'ala, il y a l'unanimité des savants. Et tu vas voir des autres savants qui disent il n'y a pas l'unanimité. Mais aslan hadi al masail fi yani nkhalliha fi ma ba'd. Amshi antum tadhkuruna an ad-dalil huwa bil kitab wa sunnah. Ad-dalil huwa al-aya wal ahadith as-sahiha. Hal الحديث الحسن يا عبد الرحمن، أسك الحديث الحسن يعمل به. Est-ce qu'on prend le hadith Hassan ou on veut que le hadith sahih? On prend le hadith Hassan? Man ma'a Abdurrahman fi hadha al-qawl? Kullukum? Wan? Allahu a'lam. وين عبد الملك؟ الحديث حسن نأخذ به؟ نعم الحديث حسن نأخذ به. ف يعني كلما ارتفع إلى منزلة الحسن يعني يؤخذ ويعمل به. tout hadith qui a atteint le degré ou qui a été jugé bon, alors c'est un hadith que l'on peut mettre en pratique. Donc ce n'est pas seulement le hadith authentique, mais c'est aussi le hadith jugé bon, Hassan. Non. طيب. بقي. من يقوم بقيام الحجة؟ Qui c'est qui peut établir la preuve? Mahdi. C'est qui peut faire la preuve? Par exemple, يأتي واحد في المسجد هذا ويسجد مثلا للعمود، يسبروستيرن بور لو بوتو لا، تمام؟ وفي المسجد يعني أناس، من يقوم بالحجة؟ كلكم جميل جميل. ايش عندك يا مسلم؟ الأولى الذي نعرف أن يتحسن في اي نعم اي نعم، يعني كل احد يستطيع ان يقيم ان يقيم الحجه ما دام انه يحسن ذلك. Toute personne elle peut établir la preuve, c'est-à-dire expliquer la faute à celui qui est tombé du moment que elle sait comment s'y prendre. Et ce n'est pas, c'est-à-dire l'iqamat al-hujja, ce n'est pas spécifique aux gens de science. Hatta quelqu'un qui prend pas de cours mais il sait que ça c'est du shirk, lahu an yatakallam wa lahu an yubayyin. Il a le droit d'expliquer à cette personne le danger de ce qu'elle fait. Naam. ايش الدليل؟ حديث من يرى منكم منكرا فليخرج بلسانه. من يرى منكم منكرا فليغيره بيده. حديث من؟ حديث من؟ حديث من يا مسلم؟ يزيد؟ روى من؟ طيب مسلم. روى مسلم بس انت تشك ولا انت انت تشك؟ اذا الشكوك نخليها فيما بعد. ها احسنت، حديث ابي سعيد الخدري. نعم وهو في صحيح مسلم. نعم نعم احسنت، الله يبارك فيك يا ابو عبد الله. نعم فهو حديث عظيم. طيب ثم اخر المساله التي مرت بنا، من يقوم بتنزيل الحكم على المخالف؟ Qui c'est qui peut faire descendre le jugement sur la personne qui contredit la législation. هذا لابد من أن يكون من أهل العلم. Et ça doit revenir aux gens de science. نعم. Ça doit revenir aux gens de science. Et en vérité, c'est vraiment une sagesse d'Allah Azza wa Jal qu'il n'a pas mis cette chose-là dans les mains de tout un chacun. C'est pourquoi que les takfiriens d'Allah, les gens qui rendent mécréants tout le monde, tout un chacun, akada, ils sont égarés à cause de cette bave. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas revenus aux savants. Na'am. Et les savants, ce sont, yani, ahaq al-nas bi khashyatillah. Innama yakhsha Allahu min ibadihi, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u. Car certes, ne craint véritablement Allah que les ulama. Na'am. Et cette khashya, elle est makhrouna bit taqwa wal wara'. elle est accompagnée de crainte, c'est-à-dire de piété. وأنتم تعرفون أن كل ما ازداد الشخص تقاء كل ما ازداد بصيرة في الأمور. Plus la personne elle fait preuve de piété, plus la personne elle voit clair, plus la personne elle est clairvoyante. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. C'est oh, vous qui croyez, si vous faites preuve de crainte d'Allah, Allah il va vous donner de la clairvoyance. نعم. فلهذا العلماء يعني وأهل العلم هم الذين يرجعون أو يرجع إليه هذه ترجع إليه هذه الأمور. نعم. طيب ولا بد أن يكون هذا من الإفتاء أو اللجنة الدائمة من كبار العلماء. لا لا نعم. Et quand on dit les gens de science, ce n'est pas une condition que ce soit les grands savants. Le comité des grands savants, par exemple, d'Arabie Saoudite ou autre. Non. Mais ça peut être une personne qui a énormément de science sans qu'elle soit forcément connue. Et est-ce que c'est une condition que la personne soit connue pour sa science, si elle veut parler? عبد احمد اول شيء لكي يعني نعتبره من العلماء يجب ان يعرفه العلماء لا بد ان يعرفهم يعرفه العلماء كتاب العلم يقول ان العلماء من شهد العلماء بعلمه من شهد العلماء بعلمه جميل طيب من عنده غيره كما قال ابن سينا سموا لنا رجالكم يعني سموا لنا رجالكم أحسنت جميل لكن نحن نريد أن نعرف هل الشخص اسكو لا بيرسون مثلا هو يقول عبد الرحمن من الله عليك بالعلم الله يتا اكوردي انورمون سيونس مي ما من احد من العلماء يعرفك Est-ce que tu as le droit de parler sur une personne et de dire que cette personne-là a fait de la mécréance, on lui a expliqué les preuves, elle a continué, donc elle est sortie de l'islam. Est-ce que tu as le droit de dire ça? Si les savants, si aucun savant ne te connaît comme étant parmi les gens de science. Iden, هذا شيء ننظر في قوله. Ça veut dire on prend sa parole, voilà. On prend et on regarde qui il est. On prend et on regarde qui il est. Donc, là, en guise de réponse à ma question, c'est-à-dire il a le droit. Il a le droit de parler. Parce que ma question, c'est juste ça. Est-ce qu'il a le droit de parler, voilà. Il a le droit, mais. Regarde ce qu'il y a en fait. Non, non, elle l'a dit, ba'du. ما نتدخل فيه نحن نبغى نعرف اذا كان له او با عبد الملك نعم الى لغه بارلي نعم personne parmi les savants le connaissent تدري اذا ما اخذ علمه من العلماء ليس معنى انه ما عنده علم مثلا لكن الشيخ الألباني قد درس لكن العلم قد تنال بالكتب la science elle peut être acquise par les livres même si c'est un chemin qui est mis en que les savants ont formellement mis en garde c'est-à-dire que la personne elle apprenne de elle-même des livres et tout parce qu'elle peut se tromper dans la compréhension comme c'est le cas de beaucoup de sectes mais تفضل يا مسلم ما يوجد هذا في الشروط أحسنت ما يوجد هذا في الشروط ولكم قصة أسامة بن زيد وهي القاضية في هذه المسألة أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم جعله أمير الجيش le prophète صلى الله عليه وسلم il a placé أسامة بن زيد à la tête de l'armée musulmane qui devait, musulmane, la tête de l'armée musulmane qui devait aller combattre les Romains. Kam kana umra fi anadhak? 18. Il avait 18 ans. Et c'est lui le commandant en chef de l'armée. Tahtahu Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Abd Rahman ibn Auf, wa Zubayr ibn al-Awwam, wa Talha, yani jami' as-sahaba al-fudala. Et le prophète sallam, il l'a placé à la tête. Voyez, le shahid, ce qu'on veut de cette histoire-là, c'est quoi? C'est que les sahaba ankaru dhalik. Ils ont réfuté ça. Ils ont dit, mais comment un enfant comme ça, il connaît pas, ou... là là, comment il va être en plus devant les Romains, qui étaient l'empire le plus fort à l'époque. Naam. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam akkada dhalik wa mat. Et il est mort sur cette affaire que les compagnons ne voyaient pas. C'est-à-dire les compagnons qui sont tous considérés, tous les compagnons sont considérés comme des ulémas. Ils ne connaissaient pas Zayd comme étant capable à ce moment-là. Non. Ils ne le connaissaient pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bil wahi, il savait que cette place-là, c'est sa place. فجعله فاستدل بذلك بعض المشايخ على ان اشتراط الشهره le fait de conditionner la célébrité du savant afin qu'il parle هذا ليس بحق ليس من ذلك هذا الصحابي اتخذ دينه من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من الصحابه نعم نعم لكن الآن المسألة هي في قدرته للقتال ما من أحد كان يعرف أنه قادر للقتال نحن ما لا نتكلم في العلم الآن نحن لا نتكلم في القتال 18 ans les compagnons ils ont fait je sais pas combien de batailles avec le prophète sallam ما رأوه ils l'ont pas vu parce que certaines batailles il a pu assister peut-être à la bataille de Uhud ou celles qu'ils ont suivies certains d'entre elles. Al-Muhim, ils n'ont pas vu que c'était vraiment lui le sahib al-khibra, مثل Khalid ibn al-Walid, مثلا. Ou Ubaidat ibn Samit. نحو هؤلاء. عرفت? Donc ils n'ont pas vu qu'il était capable. Lakin, al-ibra bil-haqa'iq. C'est quoi qui compte? Ce qui compte, c'est ce que lui, il possède. Labout qu'il soit vraiment quelqu'un de science. Et comme on a vu avec la parole de Cheikh al-Uthaymeen, quand on dit quelqu'un de science, c'est pas ma sahl. C'est-à-dire il doit connaître la langue arabe. Il doit connaître les masaïl de fiqh. Il doit connaître le nasikh ou le mansour. Ou le mawaqi' l'ijma', les endroits où il y a un consensus, une unanimité des savants. Les endroits qui abrogent et les endroits qui sont abrogés. Il doit connaître aussi sihatul ahadith. ما يأتي بها حديث وكلها ضعف كلها منكرة مناكر نعم يدوى كانت خسي التاريخ كذلك يدوى avoir une science du tarikh l'histoire islamique نعم فهذا كله يعد من أهل العلم طيب ثم بعدين سندخل في أهم ما يتعلق بهذا الباب في صفحة 13 à la page 13. Ah, قبل هذا يعني بقي المسألة هل يشترط فهم الحجة ولا لا؟ Est-ce que c'est une condition que la personne à qui on établit la preuve, elle doit comprendre cette preuve? Non. هكذا؟ نعم. La langue. ولا. comprendre la langue. بس لحظة. هل هل يعني ماذا هل يشترط ولا لا est-ce que c'est une condition ou pas qu'elle comprenne عثمان نعم نعم هكذا si on lui parle pas on ne comprend pas la langue et on ne peut pas dire qu'on lui a établi la preuve لكن حضرت أمس أو قبل أمس حضرت T'as cité au DERS? Ouais. طيب ايش عندك يا مسلم؟ المسألة فيها تفصيل. Si on te pose une question comme ça, tu dis ça dépend. Parce que si tu dis oui, tu peux introduire dans la réponse ce qui n'est pas compris. Donc tu dis ala hasab ma da tulid. Ça va dépendre en fonction de ce que tu veux. Il y a des questions comme ça, elles sont daqiq, elles sont précises, elles sont subtiles. Tu peux pas dire oui et tu peux pas dire non. Il y a Tu dis plusieurs branches, en fait. voilà, il y a plusieurs branches. Tu es obligé d'évoquer un tafsir. Ala sabil al mithal. Je vous pose une question. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a une limite? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a une limite? Voilà. C'est ce qu'on vient de dire. C'est des questions où tu ne peux pas répondre ni oui ni non. Labud min tafsil. Mal mourad bi qawlina lahu had. Parce que si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala il a pas de limite, fawa ma'ana fi kulli shay. Non. Ça veut dire que en fait tu vas considérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est dans toutes choses. Dans la mosquée, dans l'arbre, dans la fenêtre, dans toutes choses. Wa hadha qawlun batil. Non. Et si tu dis le contraire, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a une limite, Il y a des endroits, il voit des endroits, yani, il n'est pas. tu peux faire comprendre comme quoi c'est des limites qu'on peut apercevoir, qu'on peut comprendre. عرفتم؟ فنحن نثبت له الحد على ما يليق بجلاله d'une manière qui lui convient. نعم إلى ليميت وهو فوق العرش على يعني مستوى على عرشه. Il est au-dessus de son trône. نعم. Et on lui affirme cet attribut comme il lui convient, sans dire sans faire de comparaison avec sa création ou autre. Et كذلك on réfute le fait, Mada, qu'est-ce qu'on réfute? On affirme et on réfute quoi? On affirme et on réfute quoi? On affirme qu'il est au-dessus. Non. Qu'il a un had. Mais on réfute quoi? Que cette limite, elle soit compréhensible par notre. Par, non. Et qu'elle soit comparable à la limite que les créatures, elles ont. Au cas les cas. Finnafi. Et aussi le fait quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala, laysa lahu had. Lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de limite. Bima'naesh, on affirme quoi? Comme quoi, yudriku kulli shay. C'est-à-dire qu'il atteint toute chose avec sa science et avec sa force. Na'am. Al-muhim, al-shahid min dalak, c'est que dans certaines questions, tu ne peux pas répondre d'une manière directe. Tu es obligé d'expliquer qu'il y a un tafsir. Donc là, dans cette question qu'on a posée, est-ce que Fahm al-Hujja, c'est une condition? Le fait de comprendre la preuve, est-ce que c'est une condition? On dit, ceci, dans cela, il y a une explication. C'est-à-dire, si yani, on comprend de cette question le fait que la personne comprenne la langue par laquelle on lui parle, alors oui, c'est une condition. Ceci est une condition. Ou est-ce d'aller? Verset 4 de Sourate Ibrahim, je connais pas exactement le verset. Man yahfadhuh? Sourate Ibrahim, ya Mohamed. Hein? Cheikh Haroun. Man yaskur al-ayah? Wama arsalna fi qawm. ها نريد الشاهد من الآية. عبد الرحمن تحفظ سورة إبراهيم بلسان كاملة. قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم. On n'a pas envoyé un messager si ce n'est par la langue de son peuple afin que il leur explique. نعم. Donc ça c'est un dalil que la parole, c'est-à-dire l'établissement de la preuve doit se faire de la même langue que l'interlocuteur. Naam. Et aussi d'une manière claire. Si par exemple toi tu viens, tu lui expliques, tu lui dis ah là c'est du shirk, mais tu as la main devant ta bouche. Tu parles comme ça, ah là ma yasluh. Naam, ma yasluh. La budda an yakun yani shay wadih. Mais est-ce qu'on réfute dans cette question? C'est le fait de dire que la personne, l'interlocuteur, il doit comprendre. Il doit comprendre que cette preuve avec laquelle tu viens, elle est plus forte que l'ambiguïté qu'il a dans sa tête. Ça, c'est pas une condition. Le fait qu'il comprenne que la preuve avec laquelle tu viens du Coran ou de la Sunna, elle est plus forte que son ambiguïté, ça, c'est pas une condition. Ça va? Non. Taïb. Eden, Inch'Allah, on continue encore un peu. وهذه مراجعة طيبة لا سيما لمن ما حضر في الأسبوع. On a fait exprès de faire cette petite révision pour ceux qui n'ont pas pu assister durant la semaine. طيب. طيب. وصلنا donc on est à la page 13. قال إقامة الحجة شرط. هل إقامة الحجة شرط على الإطلاق؟ Est-ce que le fait d'établir la preuve, c'est une condition d'une manière globale? Il n'y a pas des exceptions, il n'y a pas d'exception. قال اختلف فيه أهل العلم وفي الحقيقة هذه المسألة جزء من مسألة العذر بالجهل فمنهم من يرى أن من وقع في شيء من المخالفة في المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة كسب الله والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعذر إن كان عائشا بين المسلمين لا يعذر بجهله. Donc, ça c'est une mas'ala où les savants ils ont divergé. Mais la divergence elle est très très forte entre les savants. C'est-à-dire, il y en a qui ont dit dans les points de la religion qui sont censés être connus de tout musulman, la personne qui commet une erreur là-dedans ou qui commet un péché là-dedans, elle ne peut pas être excusée par le fait qu'elle soit ignorante. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui est connue chez tous les musulmans. Maintenant, le fait que la salat c'est obligatoire. Une chose ma'louma, min ad-din bid-darura. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé au tawhid. C'est ma'louma, min ad-din bid-darura. Ça veut dire que eux, ces savants-là, ils ont dit celui qui est né en terre d'islam, en pays d'islam, lui, s'il tombe dans ces points-là qui sont connus, de tout un chacun, qui doivent être connus de tout un chacun, parmi les musulmans, alors lui, il n'est pas pardonné par son ignorance. طيب وأدلة أصحاب هذه أو أصحاب هذا القول قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc, et les preuves qu'ils prennent ces gens, ces savants, pour dire que la personne qui est dans une communauté musulmane et qui tombe dans des choses de la religion qui sont claires, hada, on n'est pas obligé de lui faire l'iqamat al-hujja, selon leurs paroles. Mais cette personne devient directement mécréant sans même qu'on lui ait expliqué la preuve. Tamam? Pourquoi? Par rapport à ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et si tu leur demandes, ils te diront, nous étions certes en train de rigoler. Et ça, c'était des gens qui étaient partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Tabouk et qui avaient l'habitude de rigoler entre eux et de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَ أَحَدُهُمْ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ لَا أَرْغَبُ بُطُونًا وَلَا أَكْذِبَ أَلْسِنَةً وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ. Ils ont dit, on n'a pas vu des gens comme ces récitateurs-là, c'est-à-dire le prophète, ou Abou Bakr ou Omar, les meilleurs des compagnons. On n'a pas vu des gens comme eux, plus avares dans les biens, c'est-à-dire Arghabu Butuna. Ils veulent faire grossir leur ventre. Ou Ala Akziba Al-Sinatan. Et on n'a pas vu des gens plus menteurs que ces gens-là. Ils parlent de qui? Du prophète. Alayhi salatu wa salam, ashab. On n'a pas vu des gens plus menteurs qu'eux. Et on n'a pas vu des gens plus lâches que ces gens-là, que le qital. فَقَالَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَ. Le shahid, c'est le verset, donc il est descendu sur ces gens-là. Ça, c'est un shahid de l'histoire. Mais كَذَلِكَ, le sahabi, quand il a entendu ça, il y avait un compagnon qui a entendu ces paroles-là. قَالَ كَذَبْتَ إِنَّكَ مُنَافِقٌ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Tu mens, tu es un hypocrite. Et quand il disait, Hypocrite, il voulait dire l'hypocrisie al-i'tiqadiyya, la grande hypocrisie, celle qui fait sortir l'islam. Fahada takfirun. Et il est venu apporter ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ce compagnon, il est venu rapporter ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il n'a pas réfuté le fait qu'il l'a rendu mécréant. Fahada kadabta innaka munafiqun. Et donc ce hadith avec ce verset avec l'histoire de la descente du verset, c'est la plus forte de leurs preuves. C'était sur le retour. Ouais, c'était sur le retour là. Voilà. ومن قوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Et aussi le verset d'Allah où Allah subhanahu wa ta'ala dit وإن نكثوا أيمانهم. Et s'ils trahissent leurs engagements après les avoir donnés, et qu'ils portent atteinte à votre religion, combattez-les, car ce sont mada a'immat al-kufr. Le shahid, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé ceux qui font ces œuvres-là a'immat al-kufr. Wa hadhihi al-aya saraha ma huwa sarih. Ce verset, même s'ils l'ont évoqué, il n'est pas clair comme le premier verset qu'on a cité. Voyez. ثم ذكروا من السنة قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. Celui qui a changé sa religion, combattez-le. رواه البخاري و يعني رواه البخاري عن ابن عباس. Et ça aussi c'est pas clair, c'est pas صريح. Et aussi ces ahkam là, c'est des ahkam, on va takfir mutlaq. Tandis que le verset, il est descendu sur des gens précis, qu'ils ont été rendus mécréants, yani précisément. Et le compagnon, il a dit à une personne précise, innaka munafiqun. Ant. Naam. Donc ça, ces choses-là, c'est pas clair encore. Naam. Donc leur plus grande parole, là, ou la plus forte de leur parole, c'est celle-là, ce verset. Voilà, in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. طيب. وكذلك là je saute un peu le paragraphe parce que à cause du temps. في آخر في آخر الصفحة قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. Donc non, avant de sauter, il faut absolument que je dise ce passage. وقالوا لو طيب. Et aussi parmi les choses qu'ils ont expliqué, ils ont dit que même si on يعني تنازلا معكم, ces gens-là qui voient que celui qui vit en terre d'islam, lui on n'a pas besoin de lui faire qamat al-hujja s'il vient à tomber dans des choses qui sont connues de tout un chacun. Ils disent bon, d'accord. يعني on va يعني comment كيف نقول تنازلا معكم. Ouais, si on prend votre parole, si on va faire comme si on prenait votre parole, qu'ils doivent avoir une preuve, que la preuve doit leur doit la preuve doit leur parvenir. Eux ils disent quoi? La preuve leur est certes parvenue parce qu'ils sont en terre d'islam. Ils doivent, c'est sûr qu'ils ont entendu des khutab, des sermons du Jumu'ah, ou c'est sûr qu'ils ont entendu du Coran, ou c'est sûr qu'ils ont entendu ce genre de choses. Naam. Et par conséquent, après ils ont évoqué le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an walghuhu fihi. Naam. La'allakum taghlibun. C'est quoi la traduction du verset? Comment ils ont... Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il informe que les gens les mécréants ont dit, وقال الذين كفروا لا تسمعوا. Et les gens qui ont mécru, ils ont dit, n'écoutez pas ce Coran. N'écoutez pas ce Coran. C'est qui le fatin parmi vous qui va me sortir ce qu'on a besoin du verset. La traduction du verset, c'est, et ceux qui avaient mécru dire, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran. Et faites du chahut pendant sa récitation, afin d'avoir le dessus. وكذلك هذا يعني دليل قوي في المسألة. الله عز وجل نعم نعم نعم الله سبحانه وتعالى كفرهم وهم c'est-à-dire ils ont rien écouté, ils ont pas écouté le Coran, ولا y a pas une vraie, c'est-à-dire إقامة الحجة. Ça leur a pas été fait comme on l'a vu dans les shurut. Taïb. Donc, ça aussi c'est un dalil très très fort. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus mécréants alors qu'ils n'écoutaient pas ce Coran. Donc ils ont dit pour, donc les savants ils ont pris ce hadith là. Comme قال شيخ الإسلام والحجة قامت بوجود الرسول بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره. Et donc là Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de pouvoir écouter ce Coran mais ils l'ont pas fait. Ils étaient dans un endroit où il y avait du Coran, où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou quoi, ils avaient la capacité mais ils l'ont pas fait. Non. Donc à partir de là, ces savants, en prenant ce verset-là, ils ont dit qamat alayhim al-hujja bil makan. C'est-à-dire il y a eu quand même un iqamat al-hujja, lakin c'est pas avec les paroles, c'est pas avec le Coran, c'est pas avec les hadiths, mais c'est avec l'endroit où ils étaient. Kanu imma fi Makkah wa bi wujud an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ou imma fi al-Madina bi wujud an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non. نعم وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت في مكة نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. Non. Non non, c'est là c'est on est toujours dans une masala khilafiyya. C'est un point où il y a une divergence. Mais on dit que cet avis-là, il est fort. Il a une force à cause de... C'est-à-dire que le fait de contredire cet avis, avec ces preuves-là qu'on vient d'évoquer, c'est pas simple. C'est des preuves qui sont très très fortes. Mais ce qu'on va ramener, peut-être... Il a un socle solide, en fait, qui s'appuie sur le Coran. Voilà. Des voilà. Voilà. Et avec une compréhension qui est bien aussi précise. Mais après, on va venir avec les avis de ceux qui disent que même.